DJ Grenaz sur Electron Libre. C'est parti. Thank you. Thank you. Thank you. devait pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêve, les singes à queue nue, dévoreurs de tropiques, araignées d'argent, au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune sous son faux air de thune a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis son zob dans les coins-coins bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on appelle le bon ou le mauvais. Je me ferais de peine si si si je savais si si que j'en aurais les traînes. S'il y avait Z aussi et tout ce que je comptais, tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît, le fond de la mer. Le goût qui me tourmente, le goût qui est plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Crevant mes oreilles, je mourrai de blessures sourdes, infligée à 2h du matin par des tueurs indéfinis et chauves. Je mourrai sans m'apercevoir que je meurs, je mourrai enseveli sous les ruines sèches de 1000 mètres de coton écroulé. Je mourrai noyé dans l'huile de vidange, foulé aux pieds par des bêtes indifférentes. Et juste après, par des bêtes différentes, je mourrai nu ou vêtu de toile rouge. Une plume bleue, un chemin de sable, un oiseau assez pour moi. Oh mon cœur, mon âme gelée. C'était DJ Gronaz et Totof, son pote sur DJ Gronaz sur machine et Totof donc au micro et au texte. Superbe. Moi je suis là un peu estomaqué. Ouais, donc des textes de Boris Vian. Je saurais pas vous dire le détail. Enfin, il y avait des poèmes assez connus, notamment je voudrais pas crever, et aussi Il casse le monde, ça c'était le tout dernier. Pour le détail des textes, je sais pas, peut-être en fin d'émission je vous les donnerai si je les récupère d'ici là. En tout cas, voilà, nous ça nous fait très plaisir d'avoir ce type de performance et d'expérimentation dans l'émission. On n'en fait pas très souvent. La seule un petit peu de ce genre-là qu'on avait fait, c'était au moment des élections présidentielles. C'était DNZ et D'accord, donc les deux acolytes qui s'occupent de cette émission. On avait tenté un petit quelque chose à deux autour de textes de Deleuze, de Michaud et d'Huxley. Voilà, mais donc ce soir... Et tout. Ouais. C'était un de nos invités du soir qui s'amuse un petit peu au micro. Donc ouais, comme je le disais, des textes de Boris Vian. Avec donc la musique, c'était Totof sur les textes et la musique de DJ Gronaz en accompagnement, matière sonore et musique. Et on va enchaîner avec D'accord, mon collègue dans cette émission. D'accord ou pas d'accord, en effet. Alors ça s'écrit D'accord, D-A égale corps K-O-R. Et tout. Ouais. Et donc lui, il est sur Fruity, hein, et ça ne saurait tarder. Il se prépare. Et ensuite, on continuera la soirée avec nos autres invités du soir, De Frey, qui devrait revenir normalement avec ses morceaux, morceaux breakcore essentiellement. Et puis Cyril. Et puis Cyril des Zinzins de l'espace, qui est déjà passé dans cette émission et qui est là ce soir, et ça nous fait plaisir. Bon, alors est-ce qu'on est prêt dans les studios à enchaîner ? Je ne sais pas, parce que je ne vais pas parler indéfiniment au micro pour dire des âneries. Oui, D'accord est prêt, a priori. S'il est prêt. Ouais, donc pas de son pour le moment, mais bon, ça ne saurait tarder. Oui, non, c'est des petites questions de branchement et de casque. Il y a tellement de gens ce soir que côté matériel, on est obligé de s'échanger les casques, de changer les branchements, etc., etc. Bon, mais ça s'arrange. Hein. D'accord, et là, il est prêt. Donc, Live Fruity, le dernier Live Fruity. Enfin, le dernier, je suis pas sûr d'ailleurs, parce que je crois qu'il devait le faire tourner il y a un petit moment déjà et qu'il l'avait laissé en plan. Voilà. Enfin, peu importe. D'accord. Donc sur Fruity et ensuite des morceaux avec De Frey et Cyril donc, qui enchaînera certainement sur Fruity lui aussi je crois, enfin non sur PC, non il est pas sur Fruity on me dit, non il est sur Reason lui, ouais sur PC aussi mais sur Reason, yes. Allez, bon, est-ce que D'accord est prêt ? Bon, alors, on y est pas ? Ah, c'est difficile ce soir les transitions. En tout cas, merci encore. Merci encore à Gronaz, à DJ Gronaz et. Bon, on n'a pas de son. Donc, avec D'accord, petit problème. Sinon, quoi vous dire ? Vous dire que ce soir, il y a une teuf à Souillac, a priori, et que demain, il y a une teuf du côté de la Dordogne. Ouais, donc toujours des problèmes, on me dit qu'il a pas de son dans le casque, mais nous on n'a pas de son du tout, c'est pas qu'une question de casque. Hein. Donc on va essayer de rétablir ça, et puis dès qu'on peut... Oui. Oui. Ouais, donc c'est un peu le foutoir là ce soir. On a des problèmes de matériel là. Les gens sont un peu nombreux et donc on essaye d'enchaîner ça comme on peut. Il faut se prêter le matériel. Et ouais, même moi j'ai pas de casque, hein, mais enfin bon, c'est pas grave, hein, ça va s'arranger. Ah, j'ai un casque, hein, on m'a mis un casque sur les oreilles, c'est fantastique. Ouais, donc on va en profiter pour vous rappeler le mail de l'émission. J'ai déjà donné deux fois, en fait, c'est pas grave. Hein. electron.libre@orange.fr. Donc electron au pluriel .libre@orange.fr. Et aussi, effectivement, le numéro de téléphone pour nous contacter, 05 65 22 12 48. Ça, c'est le direct. Et 05 65 53 68 07. Ça, c'est pas le direct. Vous nous aurez à côté, à côté, quoi. Et puis voilà, on pourra parler tranquillement pour les contacts pour tous les gens qui veulent venir faire du son dans cette émission. Et oui, on me dit que d'accord est prêt. Et ben, il était temps, hein, après tout ce remue-ménage. Bon, c'est pas... Bon, toujours pas de son. Toujours pas de son dans la radio. Ça, c'est... Bon, c'est parti cette fois. Le volume est faible, on va arranger ça. Donc d'accord sur Fruity Loops. Et puis la suite viendra bientôt. On y croit. On n'est pas découragés.